compte les pommes. Toc toc le gong, belle mettre on the ground. Charlebois hélas, et le corps repasse. Au rendez-vous frais pour les garçons bouchés. Extrême du temps lise, d'ores et déjà tu t'épuises. Y'a toujours des rives qui défrisent. Le bio est net, tu balises. Et la lettre à Élise, y'a des rimes qui se fragilisent. Les animaux queen, les ramones et la morphine. La mano donna, ça pas au nirvana. A qui est-ce, Tibari, Rambeur Blonde, Chaduri. Super gras ou split pour les vedettes et les shérifs. La Chine et la Hayat. Sans comme Red. Johnny Cash, sa joie. Et Andy et Patrice. La Chine et la Hayat. Sans comme Red. Johnny Cash, sa joie. Et Andy et Patrice. Ex-femme, tu t'enlises. D'ores et déjà, tu t'épuises. Y'a toujours des rives qui défrisent. Le bio et les tubalises. Et la lettre à Élise, y'a des vers qui se canalisent. Qui est cher. Les scratch à lui, trafic de sapin chime. Extrême, tu t'enlises. D'ores et déjà, tu t'épuises. Y'a toujours des rires.